radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous n'aurez plus peur d'expliquer aux personnes que vous trouvez un peu bêtes comment les humains deviennent intelligents. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et c'est une émission proposée aujourd'hui par Juliette Marcaillou, Didier Pinault, Laurence Genepin, Lila Bozès, Jean-Christophe Francis et Jean-Guilain Meige. Que signifie d'être intelligent? Est-ce savoir réaliser des opérations complexes, avoir une très bonne mémoire, être très fort en dissertation? Ou bien est-ce observer attentivement autour de soi et mettre en correspondance des faits a priori sans lien entre eux? Ou encore est-ce savoir écouter ses congénères, les comprendre et interagir avec eux d'une manière positive? Autrement dit, comment devient-on intelligent et comment mesurer cette intelligence? C'est autour de ces questions que va tourner notre émission d'aujourd'hui. J'ai un quotient intellectuel de 130. Ouais, tu peux siffler. C'est énorme. Cela signifie tout simplement que je suis doué d'une intelligence exceptionnelle. C'est important l'intelligence. L'intelligence, c'est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. 130, rendez-vous compte, c'est considérable. T'as vous là qui devait plafonner à 100, 110. T'as essayé de me résoudre ce problème là. C'est une question du test. Concentrez-vous, c'est pas très difficile. Je vous donne, vous connaissez le principe, je vous donne quatre mots. Parmi ces quatre mots, cherchez l'intrus. Ok? Alors, métastase, chimiothérapie, Schwarzenberg, avenir. C'est dur, hein? Et oui, on rit parfois comme Pierre Desproges au sujet de ces tests de QI, mais ce sujet de l'intelligence, nous allons nous le prendre au sérieux avec vous, Olivier Houdet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie à l'Université de Paris, directeur honoraire du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant à la Sorbonne et membre de l'Académie des sciences morales et politiques à l'Institut de France. Et puis, vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle L'intelligence dans la collection Que sais-je? Des Que sais-je? Vous avez déjà publié les titres La psychologie de l'enfant, le raisonnement et les 100 mots de la psychologie. Alors dans ce livre, vous posez une question qui paraît simple, mais qui est loin d'être idiote, et c'est qu'est-ce que l'intelligence? Est-ce qu'on peut déjà répondre de but en blanc à cette question qui paraît si complexe? Oui, on n'est pas les premiers à s'être posé cette question, évidemment, parce que le propre du cerveau humain et son potentiel est aussi de s'interroger sur son propre fonctionnement, donc sur sa propre intelligence, telle que là, on le fait, vous le faites dans cette émission en disant qu'est-ce que le QI? Je prends deux grands philosophes. Kant, par exemple, disait que l'intelligence de l'homme ou de la femme est notre capacité à tolérer l'incertitude. En cette situation de crise sanitaire, enfin de fin de crise, on l'espère, on sait combien on a dû gérer l'incertitude. Et en quoi est-ce être intelligent que de tolérer cette incertitude? Eh bien, ça permet de ne pas se précipiter, ne pas se laisser aller par une impulsion, un automatisme. C'est pas de la maturité, ça, c'est différent. La maturité et l'intelligence sont liées, certainement, et notamment la maturité du cerveau. Mais avant tout, je trouve que cette définition est intéressante, tolérer l'incertitude. On n'y pense pas nécessairement, on pense toujours qu'intelligence, c'est agir, créer très vite. Non, c'est aussi simplement tolérer de l'incertitude. Et je puis vous dire qu'avec ce marqueur de tolérance à l'incertitude, vous pouvez vraiment distinguer autour de vous. Alors après Kant, je pense que c'est Gide. Vous intéressez beaucoup à la littérature, cher Mathieu. Gide, donc prix Nobel de littérature au XXe siècle, qui a dit, l'a très bien résumé, l'intelligence, c'est l'adaptation. La faculté d'adaptation. La faculté d'adaptation. Et c'est vraiment cela. Comment, biologiquement, nous, individus, nous adaptons-nous à notre environnement pour inventer des solutions. Et donc, cette capacité d'adaptation était déjà reconnue par les grands philosophes. La nouveauté aujourd'hui en science et en neurosciences, c'est qu'on peut, grâce à l'imagerie cérébrale, observer le cerveau humain in vivo, c'est-à-dire chez un adulte ou un enfant en développement, voir comment son cerveau se développe et s'adapte précisément aux stimulations qu'on lui présente, aux problèmes qu'on lui pose. Et donc, avec l'imagerie cérébrale, aujourd'hui, on voit sur écran d'ordinateur une reconstruction tridimensionnelle de la façon dont le cerveau humain s'adapte lorsqu'il résout une tâche, qu'on va dire cognitive, dans un tunnel d'IRM. Et ça, c'est une révolution. Donc, autant les grands philosophes avaient déjà une idée, une petite idée de ce qu'était l'intelligence, c'était assez exact, tolérer l'incertitude, s'adapter. La grande nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on voit comment le cerveau raisonne, calcule, se trompe aussi et corrige ses erreurs. Et donc, imaginons Olivier Houdet, un grand mathématicien, par exemple, qui ne supporterait pas l'incertitude et qui ne saurait pas s'adapter. Est-ce que c'est un cas de figure possible tout de même ? À mon avis, c'est assez rare, parce que un grand mathématicien, précisément, avant qu'il ne fasse... Ou un grand écrivain, je ne sais pas. Bon, restons sur l'exemple du mathématicien. Avant qu'il ne fasse une découverte ou démontre un théorème, je puis vous dire qu'un grand mathématicien a dû tolérer beaucoup d'incertitudes. Il n'y a pas de grand danger. Au pire, il ne trouve pas. Si, quand vous êtes dans la peau d'un mathématicien, ne pas trouver, c'est presque mourir. On parle d'un grand mathématicien. Alors, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que précisément, l'intelligence n'est pas que logico-mathématique. Vous avez des formes très diverses. Un peintre, on citait Manet tout à l'heure, un peintre aura une intelligence plus visio-spatiale. Un grand littéraire comme Gide avait sans doute une intelligence précisément très littéraire ou très verbale. Un sportif a aussi une intelligence très, on l'appelle somesthésique, une intelligence du corps. Bref, on peut être intelligent, donc s'adapter au réel grâce à son cerveau, selon toutes ces modalités, ces facettes d'une intelligence qu'on peut appeler multiple et qui change d'un individu à l'autre. Alors souvent quand on comprend quelque chose, on ressent une émotion positive. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ou dans le corps au moment où on comprend ? C'est très important, c'est vraiment ce qu'on étudie. Alors ça a toujours été connu, Aristote disait déjà que le vrai bonheur c'était cette intellection, cette façon de trouver, de comprendre et le plaisir que l'on a, l'émotion à finalement bien utiliser son intelligence. Alors on voit ça aujourd'hui donc en imagerie cérébrale, notamment c'est important d'étudier l'enfant, comment l'enfant apprend à avoir plaisir à progresser. Et donc, on voit d'abord l'enfant qui se trompe, ce qui se passe dans son cerveau, lui montre, il comprend ce qui se passe dans son cerveau, et après, par telle ou telle pédagogie, ou par lui-même, par tâtonnement et expérimentation, il découvre la solution. Et là, vous voyez dans le cerveau une reconfiguration neuronale, parfois de l'arrière vers l'avant du cerveau, donc vers le cortex préfrontal, celui de l'intelligence, de la réflexion, de l'abstraction. Et un enfant qui connaît cette reconfiguration cérébrale a un plaisir réel qu'on voit aussi dans le cerveau, des régions des émotions. De la dopamine, par exemple. Bien sûr, la dopamine. Donc la dopamine est un neuromédiateur qui, lorsqu'il est stimulé ou lorsque l'enfant précisément découvre une solution, vous avez des boucles dans le cerveau et en boucle, en quelque sorte, la boucle émotion-intelligence tourne très vite et apporte un grand plaisir, comme les joueurs. On sait qu'on joue beaucoup aujourd'hui, les jeunes adultes, avec des jeux vidéo. Eh bien, c'est vraiment cela qui est tester, c'est leur adaptation, leur intelligence, leur stratégie, et ils éprouvent du plaisir. On a un plaisir à découvrir, tout comme on a un déplaisir, une peur de se tromper, et il y a des tas d'émotions liées à la curiosité, à la découverte. Ce sont des émotions qu'on dit cognitives ou des émotions intellectuelles. Donc on peut être drogué à la connaissance, et si par exemple en classe préparatoire et qu'on travaille énormément, eh bien il y a un moment où on peut peut-être plus s'arrêter, où il faut lire, travailler pour se sentir bien. Absolument. Et alors, il ne faut pas confondre connaissance ou accumulation de connaissances qui relève plus de la mémoire que l'intelligence. L'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir une très bonne culture générale, beaucoup de connaissances dans tous les domaines, et en même temps, avoir une faculté d'intelligence, c'est-à-dire de découverte de solutions. Souvent, et pour moi, c'est la clé de l'intelligence, il faut inhiber ces automatismes. Les automatismes, finalement, ne sont plus très intelligents. Donc, à l'avant de nos cerveaux, c'est ce que j'ai découvert avec mon laboratoire du CNRS à la Sorbonne, il y a une zone qui permet cette inhibition des automatismes mentaux, cognitifs. Ne pas les laisser sortir du cerveau, en quelque sorte, et se décliner en comportement. Et cette inhibition de nos automatismes, c'est extrêmement difficile et c'est sans doute la clé de l'intelligence. Donc, beaucoup de connaissances ne nous permet pas d'inhiber nos automatismes. C'est autre chose, l'intelligence. C'est plus subtil. C'est un mécanisme d'autocontrôle, en quelque sorte. Et donc, vous disiez, vous avez commencé à dire que vous-même, vous étiez drogué à à la connaissance. Que tous les scientifiques qui sont passionnés, qui ont fait beaucoup de travaux, beaucoup de découvertes, ont en effet pris beaucoup de plaisir dans leur carrière. Et puis quand on reçoit des décorations, des distinctions, vous citiez l'Académie tout à l'heure, bien sûr c'est une boucle aussi émotion intelligence. Mais il faut savoir faire d'autres choses, il faut savoir se distraire. L'art, la culture, le sport, comme on l'évoquait. Mais bien sûr, on peut être drogué à la connaissance, à l'intelligence, tout comme il y a des plantes ou des drogues naturelles. Hein. La drogue n'est péjorative que lorsqu'elle est artificielle et qu'elle est nuisible à la santé. Ou sinon, on va dire que la passion, plutôt que la drogue, est intimement liée à l'intelligence. Mais alors, Olivier Houdet, ce qui est un peu étonnant, c'est que on peut tomber dans la drogue, mais on tombe rarement dans les études. Pourquoi est-ce que c'est difficile que de cultiver son intelligence? Pourquoi est-ce que ça fatigue aussi quand on a passé une journée entière à travailler intellectuellement? Alors, ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle l'effort cognitif. Alors, en effet, et c'est peut-être quelquefois ce qu'on incite plus assez chez les enfants ou à l'école, l'intelligence, sauf quelquefois, telle la grâce, nous fait de façon lumineuse et immédiate comprendre un problème, mais l'intelligence, c'est souvent beaucoup d'efforts. Chacun sait que sans doute le plus grand génie de tous les temps, peut-être le plus intelligent, Léonard de Vinci, qui combinait à la fois l'intelligence du peintre, l'intelligence de l'ingénieur, du mathématicien, disait, il y a 99%, et d'autres l'ont dit après lui ou avant, il y a 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Donc il y a toujours beaucoup de travail, beaucoup d'efforts cognitifs, mais le déclic lui-même, intellectuel, la plasticité dans le cerveau qui nous fait changer de stratégie, inhiber un automatisme pour activer par exemple un algorithme plus réfléchi, eh bien ce déclic-là, lui, peut être très rapide, et dans nos laboratoires de sciences cognitives et de psychologie expérimentale, c'est en millisecondes et en dizaines de millisecondes qu'on mesure ces adaptations intellectuelles, c'est-à-dire que ça se passe en dessous de la seconde dans notre cerveau. Ça consomme beaucoup d'énergie de réfléchir? Oui. Vraiment, ça consomme beaucoup d'énergie de réfléchir et le cerveau humain fonctionne avec de l'oxygène, mais aussi du sucre qui est amené via les vaisseaux sanguins. Et c'est pourquoi quand en fin de matinée, les élèves ou nous-mêmes avons faim, n'avons plus suffisamment d'alimentation dans notre corps, eh bien on a besoin de carburant pour le cerveau, c'est-à-dire du sucre, du bon sucre. Et évidemment, réfléchir utilise le cerveau et le cerveau lui-même a besoin d'un rééquilibrage qu'on appelle métabolique. Et c'est aussi l'homéostasie pour le bien-être, l'équilibre du corps. C'est pourquoi il faut bien se nourrir, bien s'aérer quand on fait des activités intellectuelles. Alors, c'est quoi ton parcours? Tu es le miséreux qui n'a jamais pu entrer à Exeter ou à Andover? Mon enfance privilégiée ne m'empêche pas d'être équilibré. J'en veux seulement au monde entier. Tu préfères sûrement la compagnie des concepts algébriques au rapport humain? Ma prof de sixième disait qu'on m'avait servi double portion de cerveau, mais seulement une demi-portion de cœur. Waouh, elle devait être charmante. Mais si tu veux la vérité, j'aime pas beaucoup les gens. Et d'ailleurs, ils me le rendent bien. Pourquoi? Toi qui as tellement d'esprit et de charme. Sérieusement, John. Les mathématiques ne te révéleront pas l'essence des choses. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est soporifique. Vraiment soporifique. La moitié de ces gamins a déjà publié. J'ai pas le droit de perdre mon temps avec ces cours. Ces manuels. De m'encombrer l'esprit des hypothèses de simples mortels! Sans oser le demander sur France Culture et un extrait du film Un homme d'exception de Ron Howard qui date de 2001. Un film qui retrace la vie du génie des mathématiques John Nash, surdoué, et qui montre aussi finalement les difficultés qu'il a eues à établir des liens avec les autres. Est-ce que c'est un poncif ça, Olivier Houdet, le rapport entre une grande intelligence, un grand QI, on va parler tout à l'heure du QI, et la difficulté émotionnelle à se sentir proche des autres? Non, ce n'est pas une exception et en effet, là, l'homme d'exception a une intelligence logique, mathématique, mais n'a clairement pas, et en souffre, l'intelligence émotionnelle, humaine, Et bon, il ose on n'a pas la place dans le cerveau pour avoir les deux en même temps. Alors il y a toute la place dans le cerveau et vous avez autant de réseaux émotionnels que de réseaux logiques et mathématiques. On peut les cumuler. Je disais l'exemple de Léonard de Vinci dont on n'a pas pu voir le cerveau à l'époque, mais combinait donc le cerveau. Vous avez même trop de connexions neuronales. Il faut les sélectionner. Donc il n'y a pas de problème de capacité cérébrale. Néanmoins, un tel ou un tel va plutôt développer une ou autre forme d'intelligence. Pour quelle raison alors ? On peut aussi avoir un autiste de haut niveau, dans l'exemple qu'on a écouté, un autiste de haut niveau qui est un génie mathématique ou l'inventeur de la théorie des jeux, par exemple, qui a un vrai handicap pour tout ce qui est compréhension des émotions des autres, relations sociales, ce qu'on appelle les théories de l'esprit. Mais est-ce que c'est lié ? Est-ce que l'un inhibe l'autre ? Est-ce qu'une trop grande intelligence inhibe la capacité à avoir des relations sociales complexes ? Pas nécessairement. Simplement, comme je vous disais, l'intelligence, c'est l'adaptation. Très tôt, le bébé et le jeune enfant ont envie de s'adapter à leur monde, réussir à obtenir ce qu'ils veulent attraper ou avoir un sourire ou des applaudissements de sa famille. Donc, très tôt, on cherche à s'adapter. Si un jeune enfant sent qu'il s'adapte mieux en faisant des prouesses logiques et mathématiques devant ses parents ou un autre en jouant du violon et qu'il est très heureux d'entendre des feedbacks positifs, ça renforce dans le cerveau le circuit de la récompense. Et donc, un enfant va plutôt prendre cette allée-là vers la logique ou les mathématiques pour être heureux dans le monde et s'adapter. Un autre, la peinture et le visio-spatial. Un autre, le verbal. Un autre va en combiner deux formes d'intelligence. Donc, je veux dire par là que très tôt, ça se façonne dans le cerveau et que finalement, sauf des cas vraiment très rares, on cherche toujours le bonheur, le plaisir, l'émotion positive. Et notre intelligence est l'un des instruments au monde pour s'adapter, pour être heureux. Quand on s'enferme dans une seule intelligence et qu'on s'emprisonne en quelque sorte, on peut avoir des cas de figure comme celui qu'on a cité et qui était en même temps un peu vaniteux puisqu'il refusait de perdre son temps à considérer les hypothèses des mortels. Je crois au contraire qu'il faut considérer les hypothèses des mortels, y compris des immortels, et que le cerveau lui-même est un grand théâtre pour réaliser des hypothèses, les tester, les énoncer, tester les hypothèses des autres. Et l'intelligence, pour donner une autre facette de la définition, c'est aussi notre capacité à faire des synthèses. On parlait de dissertation, toujours le cortex préfrontal à l'avant du cerveau est celui qui nous permet de faire des synthèses entre les informations visuelles, les informations auditives, les informations gustatives, aussi un souvenir en mémoire, une émotion précisément. Et le centre de cette synthèse, c'est à l'avant du cerveau, alors que pour la vision, vous avez une autre région, lobe occipital tout à fait à l'arrière du cerveau, l'audition au cœur du lobe temporal, etc. Donc d'autres régions sont spécialisées dans les différentes entrées sensorielles. À la radio, bon, c'est la voix. On serait à la télévision, on aurait en même temps l'image, mais ça ne suffit pas pour être intelligent. Donc vous avez un cortex préfrontal qui fait la synthèse entre toutes ces informations. Et chaque synthèse est singulière, individuelle, ce qui fait que chacun a son type d'intelligence et est plus ou moins séduisant par son intelligence. Je dis au début de mon livre, vous l'aurez vu, je cite mille et un proverbe turc traduit en 1878, « Le capital d'un homme, c'est, ou d'une femme, c'est son intelligence. » Et c'est important à dire, l'économie et le capital, c'est pas seulement, ce ne sont pas des euros, des dollars. Je crois que c'est avant tout l'intelligence. Même si souvent l'intelligence se transforme au cours d'une vie en euros et en dollars. Elle se peut si c'est un objectif. Dans mon domaine, les chercheurs ou les scientifiques consacrent leur vie à la science, aux découvertes, mais le but n'est pas l'argent. L'intelligence peut être mise au profit d'une stratégie économique et tout à fait respectable. Et à ce moment-là, en effet, grâce à l'intelligence, on peut devenir riche. Alors on part tous avec des cerveaux à peu près similaire, hein, c'est ça, Olivier Houdet. Comment cultive-t-on son intelligence ? Comment devient-on ensuite intelligent ? En effet, à la naissance, le bébé a environ 86, personne ne les a comptés un à un, mais il y a des simulations, des approximations, 86 milliards de neurones, et peu à peu, au cours des âges, 1 milliard de milliards de connexions vont s'établir. C'est beaucoup trop. Donc, il faut sélectionner. C'est pas infini, l'intelligence. Non. Et là, ce qui veut dire que dans le cerveau de chacun, il y a potentiellement un réseau plus complexe, neuronal, mais c'est un réseau plus complexe que l'Internet mondial. Et c'est ça qui fait dire que c'est merveilleux. Dans chaque cerveau d'un petit humain qui naît, il y a un grand potentiel pour devenir intelligent. Mais ces connexions, il faut les réduire, ce qu'on appelle l'élagage synaptique. C'est un élagage des synapses qui font les connexions entre neurones. Donc certains réseaux vont être stabilisés, stockés en mémoire et d'autres vont disparaître. Et tout cela, au niveau des comportements, c'est les mécanismes de l'attention. Il faut apprendre à l'enfant à faire attention, à sélectionner les informations, à inhiber un automatisme, comme je le disais tout à l'heure. Mais ça, c'est très important, en fait, c'est le cœur de dire que c'est en refusant un petit peu l'idée du bon sens. Et le bon sens, c'est un peu la première chose, l'intuition, ce qui vous arrive en premier, en disant, est-ce que vraiment c'est ça? Et en essayant de poser les choses de façon plus posée, et donc en remettant à plus tard la satisfaction, finalement, de la compréhension. C'est exactement cela. C'est ce qu'on appelle la gratification différée. On cherche en général, par l'adaptation, à voir le plus vite ce que l'on veut. Mais il faut apprendre à différer le feedback positif, différer la gratification, ne pas toujours répondre au plus automatique. Et c'est très difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour un enfant, et je puis vous le dire encore pour un adulte, que d'inhiber son premier élan. Pourquoi? Parce que quelquefois, l'intuition est bonne. Et il faut suivre son intuition et répondre très vite. Mais d'autres fois, non. Prenons l'exemple du monde numérique qui nous entoure. Les infox, les fake news, mobilisent dans notre cerveau des réseaux neuronaux qui sont ceux de la crédulité. Ce que l'on croit ou que l'on a envie de croire. Ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai. Donc, quand on adhère ou qu'on clique pour une émotion positive sur une fake news, on peut utiliser un réseau très rapide qui est celui de l'automatisme, de l'intuition, qu'on appelle le système 1. Daniel Kahneman, un psychologue, prix Nobel d'économie, l'a ainsi dénommé. Et notre système 2, la logique, les algorithmes qui, eux, existent tout autant dans notre cerveau, mais leur déclenchement et leur vitesse est plus lente. Si on ne n'inhibe pas, si on ne bloque pas, et c'est une inhibition positive dont je parle, clé de l'intelligence, si on ne bloque pas l'automatisme, par exemple, de crédulité, l'heuristique de crédulité, pour préférer l'algorithme de validité logique, de vérification de l'information, tel que vous, journaliste, vous le faites, mais tel que tout enfant ou adulte doit le faire, à ce moment-là, on se laisse emporter par son automatisme. C'est vrai des erreurs de l'enfant, je pourrais vous en donner quelques exemples, mais aussi, par exemple, des fake news auxquelles on adhère, alors que pourtant, on est logique, on est intelligent, on ne prend pas le temps de vérifier l'information. Donc c'est la clé de l'intelligence, cette capacité de s'adapter, certes, comme le disait Gilles, mais de s'adapter via l'inhibition. Et notre cerveau a autant de neurones inhibiteurs qu'activateurs, mais on ne les entraîne pas assez chez l'enfant par des exercices d'attention, de contrôle de soi, de, en effet, tolérance. Et là, on rejoint Kant pour tolérer l'incertitude, de tolérance, une gratification différée, attendre un peu. Donc tolérance à la frustration. Est-ce qu'il y a des époques qui sont plus tolérantes que d'autres à la frustration? Et est-ce qu'on est aujourd'hui dans une époque moins tolérante à la frustration parce que on dit qu'on vit dans un monde d'immédiateté? J'évoquais le monde numérique. Le monde numérique a renforcé ce facteur de vitesse de la pensée. Et donc, plus les choses vont vite et plus les sollicitations sont rapides, plus on utilisera notre système 1, les automatismes, les intuitions, et moins on inhibera ce système pour activer la logique et les algorithmes. Alors, vous posiez la question des époques. En fait, ça dépend des milieux, des familles. Et le point clé, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'un enfant peut tolérer une gratification différée et donc inhiber son automatisme s'il a confiance dans l'adulte ou le professeur qui l'incite à différer sa gratification. Parce que vous parliez de frustration, si à la fin l'enfant a trouvé la solution du problème et on ne le récompense pas et on lui en donne immédiatement un autre, là on gère très mal la situation et on le frustre réellement. Il aura donc une émotion négative liée à l'intelligence. Il faut apprendre à tolérer l'incertitude, la gratification différée, mais surtout, et moi je l'ai fait avec les enfants et dans toute ma carrière avec mes collègues et les jeunes collègues, leur donner des récompenses, entre guillemets, des renforcements positifs, applaudir quand ils font un exploit intellectuel et prendre le temps de se réjouir, donc le temps de l'émotion. Donc il est faux pour vous de dire, nous vivons dans une époque qui va plus vite, l'intelligence c'est d'arriver à différer les gratifications dans une époque qui va plus vite. Vous voyez, je fais un syllogisme, c'est un début de raisonnement. Oui. Du coup, dans notre époque, on a vocation à devenir moins intelligent et à traiter sans cesse de façon trop spontanée les influx qui nous arrivent. Absolument, et c'est pour ça que j'ai écrit ce que c'est sur l'intelligence et d'autres livres dont l'un s'appelle « Apprendre à résister ». On doit apprendre à résister. Et la résistance d'aujourd'hui, c'est pas seulement les grands résistants de la dernière guerre, c'est chacun d'entre nous et c'est une résistance cognitive. Il y a tellement d'informations qui arrivent tellement vite que si on ne résiste pas, contrôle de soi, tout ce que l'on a évoqué, si on ne dit pas stop, ce qui déclenche immédiatement dans le cerveau un mécanisme d'inhibition. Alors, pas stop pour ne rien faire, stop pour réfléchir et essayer d'exploiter toutes nos ressources intellectuelles à un moment donné pour comprendre un phénomène. Et ça vaut, vous le voyez, tant pour l'adulte que pour l'enfant, dans le monde numérique d'aujourd'hui. Comment il fait pour rester comme ça sur l'eau, le cygne? Parce que... Pour ne pas couler. Parce qu'avec ses pattes, il... Avec ses pattes? Oui. Il bouge ses pattes, puis il reste sur place. Ah ah. Puis les bateaux à côté, comment ils font pour rester sur l'eau? Ils sont attachés. Oui, mais ils n'ont pas de pattes, les bateaux. Quoi? Ils ont des pattes, les bateaux? Des pattes, non. Des pattes, non. Et comment ils font pour rester sur l'eau, pour ne pas couler? Eh bien, ils ont un moteur dedans. Mais les moteurs, ils sont arrêtés en hiver. Ouais, c'est ouf. Ouais. Et comment ils font pour rester quand même sur l'eau, pour flotter toujours? Pour flotter toujours. Le moteur, il ne marche pas, le moteur. Mais là, ils ont attaché des chaînes. Des chaînes. Ouais. Et quand ils veulent couler, ils coulent un tout peu. Ils coulent un tout petit peu. Parce que alors, ça, si c'est leur soutien. Ouais. Si on détache les chaînes, ça va couler? Oui, ça coule. Ça va couler au fond de l'eau? Oui, au fond. Si je jette ce caillou dans l'eau, il va couler? Bien sûr qu'il coule. Et comment ça se fait que le caillou il coule et puis le bateau il coule pas? C'est parce que le caillou c'est moins lourd que le... C'est moins lourd que le bateau. Oui. Alors les choses toutes légères, elles vont couler. Ouais. Et les choses lourdes, elles restent sur l'eau. Non, les choses toutes légères restent sur l'eau. Toutes légères. Par exemple, du pain, ça reste sur l'eau. Ouais. Mais le caillou, il est léger, il est léger. Oh, il est pas si léger que ça, je le jette dans l'eau. Oui, si tu veux, jette-le. Il coule, tu vois. Et pourtant, il est quand même beaucoup plus léger que ce grand bateau-là. Comment est-ce qu'il fait le bateau, alors? Il va pas couler. Le bateau, quand il coule pas, je te... C'est parce qu'il est lourd ou bien? Je sais pas, parce que peut-être qu'il se retient. Petite fille interrogée par le psychopédagogue Alberto Munari au cours d'un documentaire consacré à Jean Piaget. On va parler un peu de Jean Piaget avec vous, Olivier Houdet, dans cette émission sur l'intelligence, parce que Jean Piaget était un Suisse qui a justement beaucoup travaillé sur cette idée des différents stades de développement de l'intelligence. Et là, on entendait bien dans cet extrait que la petite fille, qui doit avoir 5 ou 6 ans, est dans un certain stade de développement de son intelligence. Alors, qui était-il? Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu? Oui, alors Jean Piaget, c'était mon maître, comme celui de toute ma génération, grand psychologue suisse qui a fait connaître la psychologie de l'enfant dans son domaine, mais bien au-delà. Piaget rencontrait Einstein, Piaget discutait avec des astrophysiciens, avec des physiciens. Il avait déjà créé à Genève, où était son université, un grand centre interdisciplinaire de sciences cognitives. Entre parenthèses, c'est peut-être aussi comme ça qu'on devient intelligent, en discutant avec un maximum de personnes et de personnes qui sont différentes de vous. Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Alors, c'est vrai que dans le domaine de la recherche et de la science, c'est là d'ailleurs qu'a été inventé Internet. C'était pour communiquer à courte et longue distance. Donc, l'intelligence est individuelle et collective. Mais ce que Piaget a découvert, c'est ce qu'on appelle les stades du développement de l'intelligence chez l'enfant. Pour tout vous dire, moi-même, je fus instituteur dans les années 80 et je suis tombé sur un livre de Jean Piaget, « La formation du symbole chez l'enfant ». Et c'était le déclic. On ne m'avait jamais dit, jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'il existait une science de l'intelligence de l'enfant, de la façon dont l'intelligence se construit chez l'enfant. Et c'est une science aussi scientifique, exacte, que la chimie, la physique, etc. Et c'est ce qui m'a donné ma vocation de devenir psychologue de l'enfant et de poursuivre toute une carrière dans ce domaine. Et donc Piaget avait néanmoins, et j'ai un peu déconstruit son modèle pour reconstruire une nouvelle théorie de l'intelligence, néo-piagétienne, Piaget pensait que le développement cognitif de l'enfant et l'intelligence étaient... tel un escalier. Que parfois, il y avait... on montait, on passait vraiment l'étape et on progressait comme ça, marche par marche. Une marche à l'eau. La première marche, c'était chez l'enfant seulement l'intelligence sensorielle, sensorimotrice. Donc jusqu'à 2 ans. Hein. Jusqu'à 2 ans. Où apparaît le langage, la fonction symbolique. L'enfant commence à intérioriser mentalement ses actions. Ça devient des opérations, mais qui, selon Piaget, comme cette petite fille qu'on entendait, sont encore très intuitives, ne sont pas encore logiques. C'est vers l'âge de 6-7 ans, qu'on appelait l'âge de raison, traditionnellement chez les philosophes, que selon Piaget apparaît l'intelligence logique, mais à propos d'objets concrets. Et seulement à l'adolescence que cette intelligence peut porter sur des idées, des hypothèses, qu'on appelle l'abstraction, l'intelligence hypothético-déductive. Donc l'intelligence logique, c'est à chaque fois pour reprendre ce qu'on disait dans la première partie de cette émission, mettre un petit peu à distance l'intuition. Donc c'est ça, au fond, que fait l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit. Exactement. Donc, ce que Piaget a montré, c'est qu'il y avait des stades, par exemple vers 6-7 ans, où l'enfant allait sortir, se débarrasser de ses intuitions pour devenir plus logique. Là où Piaget s'est trompé, c'est qu'il a cru que ses intuitions premières, archaïques, on va dire, disparaissaient. Or, ce qu'on a découvert, c'est que le développement de l'enfant n'est pas linéaire ou incrémental tel un escalier, mais plutôt dynamique et non linéaire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle ces intuitions demeurent dans le cerveau adulte. Et très souvent, les intuitions nous aident à résoudre très vite un problème et sont positives. Mais ces intuitions sont aussi ce qui nous rend irrationnels. Et la logique, par ailleurs, ce que Piaget avait étudié, la genèse de la logique, ce qu'on appelle aujourd'hui les algorithmes, existe aussi dans le cerveau. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assez entraîné le cerveau des enfants à jongler entre les deux, à inhiber quelquefois ces intuitions lorsqu'elles sont très tentantes pour prendre le temps d'activer les algorithmes. L'école, en fait, fait un peu comme Piaget, considère que petite section, grande section, moyenne section, CP, C1, CE2, c'est un peu la montée d'un escalier. On va cumuler dans le cerveau des élèves des algorithmes, des règles logiques ou mathématiques ou de français de plus en plus complexes et que les erreurs, les intuitions premières vont disparaître. Eh bien, ce n'est pas le cas, les intuitions demeurent. C'est-à-dire que ce qu'on a appris devient une intuition parce qu'on l'a appris, on l'a intégré. Nécessairement, ça devient ce qu'on appelle un algorithme automatisé. C'est pas parce que ça va vite que c'est une intuition. Ça peut être un algorithme automatisé. Et donc, nous, ce que l'on a pu démontrer, c'est que précisément, l'intelligence n'était ni la logique pure en développement, telle que le croyait Piaget, ni les seules intuitions de Kahneman qui demeurent chez l'adulte, qui feraient un adulte assez irrationnel, mais l'intelligence, c'est la capacité à jongler entre les deux, c'est-à-dire à inhiber les intuitions, une fois sur 10 ou une fois sur 100 parfois, lorsqu'elles ne marchent pas. Quelle est la foi où il faut inhiber ces intuitions. Pour activer les algorithmes. Et l'école, elle ne fait que cumuler les algorithmes, mais on ne sait pas trop comment les utiliser à certains moments. Et je puis vous montrer qu'en France, j'ai fait passer des tests à des polytechniciens, de nombreux polytechniciens, des tests de logique déductive élémentaire, et que la grande majorité d'entre eux se trompaient. Il suffit d'un petit piège pour que leurs algorithmes ne fonctionnent pas et déraillent en raison d'une intuition. Et donc, c'est ce troisième système, que j'ai appelé le système inhibiteur, le système de résistance cognitive, qu'il faut ajouter aux deux. Les intuitions existeraient tôt, mais reste toute la vie. Les algorithmes existent beaucoup plus tôt que ne le pensait Piaget. Déjà, les bébés font des maths, de la logique. On le teste à travers leur regard aujourd'hui, par des tests de réaction visuelle, bien avant le langage. Donc, vous voyez, le développement est plus dynamique, non linéaire. Et il faut un mécanisme qu'on a en nous, qui est un mécanisme de sélection, d'arbitrage et de contrôle inhibiteur. Parce que, est-ce qu'à un moment donné, une fois adulte, un certain nombre d'intuitions ne sont pas tout simplement la résultante de choses qu'on a observées au fur et à mesure de notre vie sans se rendre compte qu'on les observait? Et donc l'intuition, c'est une forme d'intelligence parce que on sait que le phénomène A va entraîner le phénomène B, et donc de manière automatique, on est capable d'agir de cette façon-là. Donc là, c'est une intuition qui est bonne. Comment faire la différence entre la bonne intuition qu'il faut suivre et la mauvaise intuition qu'il faut différer? C'est ça l'intelligence, c'est faire la différence. Et être capable de faire la différence moment, ça en nombreuses circonstances. Et donc, exercer ce mécanisme inhibiteur, c'est d'abord, et on le fait chez l'enfant, on a créé des jeux, des coffrets pédagogiques pour les classes. Il faut entraîner ce contrôle inhibiteur. C'est-à-dire que l'enfant, il y a deux étapes, doit d'abord prendre conscience des cas de figure où son intuition ne marche pas, où elle est erronée. Pourquoi est-ce extrêmement difficile? Puisqu'en effet, en général, elle marche toujours. La petite fille, tout à l'heure, avait fait des tas d'observations qui collaient avec son hypothèse, mais... Oui, quand le pain est jeté sur l'eau, voilà, le pain c'est léger, donc ça flotte. Ça collait avec son hypothèse, mais son contradicteur, qui est un très bon pédagogue, mais j'aurais voulu qu'il aille quand même jusqu'au bout et qu'il donne l'explication à la petite fille si elle ne la trouvait pas par elle-même, et puis qu'ils en discutent. Donc, il faut d'abord prendre conscience du caractère erroné de ses intuitions, et après, les inhiber, ce qui est très difficile. Et c'est très difficile. Ce qui entraîne de la colère, d'ailleurs, bien souvent. Oui, et parce que leur fréquence d'usage est grande. Donc, les intuitions sont positives, comme vous le dites, mais quelquefois, et très souvent, ce sont elles qui nous trompent. Alors que parfois, le calcul ou le raisonnement logique est très simple, on ne prend pas le temps de l'appliquer. Donc oui, on peut entraîner cela à l'école tous les jours. 15 minutes de contrôle inhibiteur par des jeux. En maternelle, on a tous connu ni oui ni non, 1, 2, 3 soleils. Et on a inventé des tas de jeux de mathématiques, de français. Vous savez, en orthographe, très souvent, en classe, les enfants font l'erreur dans leur dictée, ils écrivent « je les mange » ils mettent un S à mange, parce qu'on leur a surappris par l'observation qu'après les, on met un S. Mais je les mange, il n'y a évidemment pas de S à mange, puisque le verbe s'accorde avec le sujet, règle qu'ils connaissent. Mais pour eux, c'est trop rapide et trop intuitif de mettre un S après les. Et à peu près toutes les erreurs d'orthographe, ou beaucoup d'entre elles, relèvent de cela, comme les erreurs de mathématiques. Si je vous dis, et je m'arrête après cet exemple, Louise a 25 billes, John a 5 billes, Louise a 25 billes. Ah, j'oublie mon exemple. Posez-moi une question, cher Mathieu. Si alors, je peux vous poser une question, si vous le souhaitez, Olivier Houdet. Quels sont les paliers qui, tout de même, structurent la vie de notre cerveau et de notre intelligence? J'ai lu que de 0 à 2 ans, comme on l'a dit, il y avait un premier palier, même si on a dit que la question de l'escalier n'était pas forcément totalement pertinente. Et puis ensuite, de 2 à 7 ans, il se passe quelque chose. Et ensuite, de 7 à peut-être 16 ans, il se passe encore quelque chose. Est-ce que c'est juste et valide de dire qu'il y a ces différentes périodes de notre intelligence? C'est partiellement juste. Alors, mon cerveau est allé rechercher l'exemple que j'ai retrouvé. Votre cerveau puis votre livre aussi. Non, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé la bonne page du livre. Mon cerveau était plus efficace que le livre. Louise a 25 billes. Elle a 5 billes de plus que Léo. Combien Léo a-t-il de billes? Et quand vous posez cette question donc, d'arithmétique en classe, tous les enfants lèvent le doigt très vite et répondent 30. Oui. Parce qu'ils entendent 25 plus 5 égale 30. Or, si vous redéroulez le problème, Louise a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo. Combien Léo a-t-il de billes? Il faut faire 25 moins 5 égale 20. Et la bonne réponse, c'est 20. Ça, c'est un très bon test d'intelligence. Parce que la majorité des enfants vont se précipiter dans l'intuition arithmétique surapprise qu'après plus j'additionne. Or, il y en a un ou deux qui auraient été capables de contrôle d'eux-mêmes, de contrôle cognitif, et d'inhiber cette intuition pour activer une résolution. Par ailleurs, on peut être très intelligent et avoir faux à ce test, je pense. Oui, mais si on a faux à tous les tests de ce type, un peu dans tous les domaines, il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans votre vie quotidienne, vous n'allez pas être capable d'inhiber un automatisme. Ces tests sont simplement des révélateurs. Comme en médecine, on peut avoir un petit test qui vous révèle une pathologie. C'est pas le test lui-même qui compte, c'est que de façon sous-jacente, votre cerveau n'est pas assez entraîné au contrôle inhibiteur. C'est ça le QI, alors, la mesure du QI? Alors, moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut redéfinir le QI. Alors d'abord, le QI, qu'est-ce que c'était au début du XXe siècle? Alors, il se fait que Alfred Binet a fait les découvertes dans le laboratoire dans lequel je suis aujourd'hui, à la Sorbonne, et Binet avait inventé des échelles de développement mental. Et avec des petits tests, un peu comme ceux que je décris, ou des tests de raisonnement, de suite logique, ou des tests aussi verbaux et conceptuels, il établissait l'âge mental d'un enfant. À l'époque, l'Éducation nationale lui avait demandé cela. C'était l'époque post-Jules Ferry et fallait voir les différences intellectuelles entre les enfants. Et peu après, un autre psychologue allemand s'est dit « mais il faut faire un quotient. Il faut calculer l'âge mental, mesuré donc par ces tests, et l'âge chronologique, c'est-à-dire l'âge réel de l'enfant, et multiplié par 100 pour que ça ne fasse pas un nombre décimal. Si on a 100, c'est un échantillonnage statistique, on est moyen. » Si on a 130, comme dans l'exemple qu'on entendait au début du l'acteur au début de notre entretien, on commence à être surdoué, on est très intelligent. Mais ça peut aller beaucoup plus haut, ça peut aller jusqu'à 160. Et ça peut aussi descendre jusqu'à 70, 100 moins 30, qui est là un cas de déficience intellectuelle. Ça, c'était le QI. Le problème, que le QI stigmatisait les enfants. Si on a un QI bas, on est bête. Si on a un QI trop haut, ben, on n'est pas adapté au monde social, comme le sont certains enfants dits surdoués, mais qui, ou à quotient intellectuel élevé, mais qui sont en échec scolaire, parce qu'on leur a pas appris justement à s'adapter. Et je crois que la vraie forme d'intelligence aujourd'hui, c'est plutôt un quotient inhibiteur. Comment on est capable de faire un quotient, c'est-à-dire une relation, une fraction entre nos intuitions et nos algorithmes à chaque moment. Mmh. Et ça, c'est le cœur de l'adaptation intellectuelle du cerveau humain. Gérer les rapports entre nos intuitions et notre logique, ça paraît simple à dire, mais c'est extrêmement difficile à faire tous les jours, à peu près dans tous les domaines. Et les shadocs le font très mal. On appelle passoire tout instrument sur lequel on peut définir trois sous-ensembles. L'intérieur, l'extérieur et les trous. L'intérieur est généralement placé au-dessus de l'extérieur et se compose le plus souvent de nouilles et d'eau. Les trous ne sont pas importants. En effet, une expérience simple permet de se rendre compte que l'on ne change pas notablement les qualités de l'instrument en réduisant de moitié le nombre des trous, puis en réduisant cette moitié de moitié, etc., etc. Et à la limite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trous du tout. D'où le théorème, la notion de passoire est indépendante de la notion de trou. Et réciproquement, on appelle passoires du premier ordre les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau. On appelle passoires du second ordre les passoires qui laissent passer et les nouilles et l'eau. On appelle passoires du troisième ordre, ou passoires complexes, les passoires qui laissent passer quelquefois l'un ou l'autre et quelquefois pas. Pour qu'une passoire complexe laisse passer l'eau et pas les nouilles, il faut et il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre des nouilles. Pour qu'une passoire complexe laisse passer les nouilles et pas l'eau, il faut et il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre de l'eau. Quant aux passoires du premier ordre qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, il y en a de deux sortes. Les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, ni dans un sens ni dans l'autre, et celles qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau que dans un sens seulement. Ces passoires-là, on les appelle des casseroles. Olivier Houdet, est-ce qu'ils sont intelligents, ces Shadocks? Ils sont logiques, en tout cas. Oui, ils exercent une intelligence par le jeu intellectuel, et puis ça peut devenir une abstraction totalement déconnectée de la réalité, et à ce moment-là, en effet, c'est une impasse. Il faut bien comprendre qu'il y a quand même des étapes dans le développement de l'intelligence. Je disais qu'elle est dynamique et non linéaire, c'est-à-dire que c'est pas seulement la montée d'un escalier, mais je prends un exemple. Si vous dites à un enfant d'école maternelle, vous placez devant lui, comme le faisait Piaget, 12 fleurs, 10 marguerites et 2 roses. Et vous dites à l'enfant, est-ce qu'il y a plus de marguerites ou plus de fleurs? Mais les enfants vont se précipiter et vous dire, il y a plus de marguerites. Alors qu'il y a plus de fleurs, puisqu'il y a 12 fleurs devant lui, 10 marguerites et 2 roses. Et ce n'est qu'vers 6-7 ans, en effet, que tous les enfants du monde, nos auditeurs peuvent le tester autour d'eux s'ils ont des enfants, vont commencer à réussir, vont dire, mais non, il y a plus de fleurs. Puisque c'est l'âge de raison, c'est pour ça qu'on... C'est ce qu'on appelait l'âge de raison. La seule difficulté, c'est que donc Piaget se disait, avant l'enfant est intuitif, il se laisse emprisonner par l'intuition spatiale, de l'extension spatiale des 10 marguerites par rapport aux 2 roses, et il dit, il y a plus de marguerites. Alors que l'intelligence exige de dire, en raison du rapport d'inclusion logique, qu'il y a plus de fleurs que de marguerites. Il disait, quand l'enfant réussit, il est logique. Mais avec mes jeunes collègues, on s'est amusé à continuer de poser d'autres questions aux enfants, à leur dire, bon, d'accord, tu me dis qu'il y a plus de fleurs que de marguerites, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire quand même pour obtenir plus de fleurs que de marguerites? Eh bien, tous les enfants répondent jusqu'à l'adolescence, ah ben c'est simple, t'as qu'à enlever des marguerites ou enlever des fleurs. Et donc, c'est évidemment impossible, ce qui montre que les enfants sont pas du tout logiques, ils sont encore facilement dominés par une intuition qu'on leur apprend à l'école, pour avoir plus de, on enlève, pour avoir plus de, on ajoute, et pour avoir moins de, on enlève. Et on s'est rendu compte que finalement, l'enfant devenait capable, à un certain âge, de réussir un problème, mais qu'il fallait très peu de choses pour qu'une autre intuition le remette en échec. Donc cet âge de raison, c'est plus l'âge de l'inhibition, je dirais, d'une première intuition, l'extension spatiale des marguerites, par exemple, dans cet exemple, où l'enfant peut montrer qu'il est logique, mais après, sa logique peut redisparaître, et il faut à nouveau apprendre à inhiber d'autres intuitions. Et alors l'adolescence, c'est encore un petit peu autre chose, c'est le moment où on raisonne, et en général on raisonne contre l'ordre établi, on raisonne contre ses parents, c'est-à-dire on remet en cause les schémas sociaux notamment qu'on nous a appris. C'est une forme d'intelligence supérieure. Ce qui est une forme d'intelligence. Et c'est assez caractéristique de l'adolescence. Alors ce raisonnement existe en fait beaucoup plus tôt que ne le croyait Piaget, plutôt que l'adolescence. Le jeune enfant peut déjà faire des hypothèses, les tester, mais c'est toujours en effet en lien qu'un matériel concret. À l'adolescence, ce qui se développe, c'est cette capacité à faire monter en puissance son cerveau, c'est-à-dire faire du raisonnement sur des hypothèses, des idées. Et à ce moment-là, l'enfant remet en cause ses propres idées, celles de sa famille, celles de ses parents. Et cette forme de résistance intellectuelle ou sociale est évidemment un signe d'intelligence. Mais après, il faut la contrôler. Et il faut gérer ses émotions par rapport à cette résistance. Donc il faut de la résistance cognitive. En quelque sorte, à l'adolescence, le réel, le monde qui nous entoure, devient un cas particulier du possible. Le réel devient un cas particulier du possible. C'est la devise que j'ai fait graver sur mon épée d'académicien que j'ai reçue le 4 octobre. Le réel est un cas, ou devient un cas particulier du possible. Ça veut donc dire que le cerveau est capable, non pas seulement de raisonner dans le réel, mais d'imaginer les choses autrement qu'elles ne sont, C'est ça qu'on appelle faire une hypothèse et la tester. C'est au cœur, on va dire, de la logique, des mathématiques, mais aussi de l'art. Un artiste doit évidemment imaginer les choses avant qu'elles ne soient, puisqu'il va les créer. C'est évidemment vrai dans la science. Il faut résister, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire faire d'autres hypothèses que ce que le réel nous invite à croire. Mais on peut faire des hypothèses fausses, auquel cas il faut à nouveau le processus d'inhibition que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'adolescence, c'est le temps de l'idéalisme, le temps où on peut imaginer des changements. Pourquoi est-ce que cela devrait-il, comme c'est parfois le cas, disparaître ou en tous les cas s'atténuer à l'âge adulte? Autrement dit, est-ce que le cerveau continue de changer et est plus disposé quelques décennies plus tard, quelques années plus tard, justement ne plus réfléchir dans l'idée du changement ou dans une idée idéaliste? Alors, c'est ce que vous dites, c'est ça qui définit finalement des formes de stade ou des formes de période. À l'adolescence, on va dire que c'est l'activité principale que de remettre en cause les choses, que de raisonner, que d'autres mondes possibles. Et après, par le choix professionnel, par les relations, on va en fait rentrer parfois dans un certain chemin et du coup être moins créatif, moins révolutionnaire, etc. Ce n'est pas le cerveau qui entraîne cela, ce n'est pas la plasticité du cerveau, c'est plutôt la vie qui fait ça. Voilà, les rapports entre le cerveau et l'environnement. Alors, par ailleurs, quelquefois on dit, et c'est vrai souvent chez les scientifiques, les artistes, on peut rester enfant toute sa vie. Et certains continuent évidemment, et bien heureusement, à l'âge adulte, à remettre en cause le monde tel qu'il existe. Mais cette période de l'adolescence est celle où, dans le cerveau, ça explose de ce point de vue-là. Et c'est intéressant parce que c'est à l'adolescence, on citait Piaget, que certains savants font leur toute première découverte scientifique. C'était le cas de Piaget, qui écrit son premier article scientifique à l'âge de 11 ans. On sait que c'est à l'adolescence qu'on commence à penser la politique, c'est-à-dire imaginer une idéologie politique autre que celle de notre pays, de notre culture, et résister, vouloir faire les choses autrement. Et on va dire que cet élan émotionnel est plus fort à l'adolescence parce que c'est la première fois que le cerveau est capable de remettre autant en cause, grâce à son abstraction, ses mécanismes de raisonnement, le monde qui l'entoure. Donc on a surtout parlé des premières années de la vie, on a l'impression que c'est ça quand même qui compte pour l'intelligence, en tout cas pour un développement initial qui semble très très important de l'intelligence. Et ensuite, pendant les décennies qui suivent, comment est-ce que ça évolue? Est-ce que l'intelligence continue de se développer à la même vitesse? Est-ce qu'au contraire, on est moins intelligent tendanciellement? A priori non, alors c'est un vrai sport, c'est ce que Paul Valéry appelait le sport intellectuel, et dans un très beau petit livre qui s'appelle « Le bilan de l'intelligence », Paul Valéry conclut son livre, qui était une conférence en fait, « La grâce que je vous souhaite, c'est le sport intellectuel ». Et en effet, il faut exercer son cerveau comme un peu on était enfant ou adolescent, c'est-à-dire être curieux, exercer la curiosité, le doute, le regret de s'être trompé. Et ces émotions qu'on appelle contrefactuelles, c'est-à-dire sont des émotions qui vont contre les faits, sont des émotions qu'il faut essayer de garder toute sa vie. Le doute, le regret, la curiosité. Et ces émotions-là vont éveiller dans notre intelligence la capacité d'inhiber nos automatismes, notre façon de faire habituelle, changer de recette, changer de chemin pour rentrer chez soi, envisager les choses du point de vue d'une autre personne que nous-mêmes, la tolérance, la prise en compte des points de vue d'autrui. Ça, ce sont des choses qui sont fort sollicitées dans l'enfance et qui pourraient disparaître chez l'adulte si on restait sur son petit chemin au lieu de papillonner tel un joli papillon qui ferait du sport intellectuel prescrit par Paul Valéry. Toute conduite est à la fois connaissance et affectivité. On ne peut pas concevoir de conduite sans l'un et l'autre de ces deux aspects. Par exemple, le raisonnement mathématique, qui paraît le modèle de la conduite purement intellectuelle, est en réalité plein de sentiments. Il faut un intérêt, il faut de l'effort, il y a des plaisirs, des peines, des sentiments d'harmonie, d'esthétique, etc. À l'autre extrême, un sentiment amoureux suppose des éléments cognitifs, des éléments de perception, de discrimination, de compréhension. L'affectivité et la connaissance sont donc deux aspects indissociables de toute conduite. On peut dire que l'affectivité constitue la dynamique de la conduite, le réglage des forces de la conduite, comme l'a montré Janet, tandis que l'intelligence serait, ou plutôt la connaissance au sens plus large, serait la structure de la conduite, c'est-à-dire l'ensemble des rapports entre le sujet et les objets de la conduite. Sans conscience, d'oser le demander sur France Culture et un extrait d'une interview de 1951 de Jean Piaget dont on parlait à l'instant avec vous Olivier Houdet dans cette émission sur l'intelligence. Il y est question de l'amour, lieu à la fois des sensations et aussi de l'intelligence. C'est peut-être au fond l'endroit où on devrait le moins, c'est une question que je vous pose, écouter son instinct. Ce que j'allais vous dire, c'est que bon, tout ce que dit Piaget est tout à fait correct. Alors, il ne l'a pas vraiment lui-même mis en évidence dans ses travaux, ni fortement examiné le lien entre émotion et intelligence. Mais là où je suis en désaccord avec lui, et les travaux d'imagerie cérébrale aujourd'hui montrent que l'amour, par exemple, le sentiment amoureux, désactive les régions de l'esprit critique. Ce qu'on sait très bien, c'est que si on est amoureux de quelqu'un, il devient le ou la plus beau, le plus extraordinaire, et dès l'instant où il y a une séparation, où les choses s'arrêtent, subitement, on en voit tous les défauts et on raisonne sur ses comportements et ses défauts. Donc, l'amour serait peut-être le seul cas où on n'utilise pas nécessairement notre intelligence habituelle. Et pour la survie de l'espèce, voilà, alors c'est qu'on se faire. Oui, c'est qu'on se laisse embarquer, mais je dirais qu'à ce moment-là, on désinhibe le plus et on n'utilise pas vraiment, en tout cas à l'égard de la personne aimée, son esprit réellement critique qui réapparaît, ou ne réapparaît jamais, mais qui réapparaît dès lors que l'on est séparé. Ce qui montre aussi, et là Piaget avait raison, qu'il y a un lien intime qui peut être dans des directions différentes entre l'émotion et l'intelligence, et l'intérêt dont il parle, qui est connu en psychologie comme la loi de l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit intéressé en classe pour comprendre, pour progresser. Et c'est cet intérêt qu'on décline aujourd'hui par des émotions plus subtiles qu'on observe dans le cerveau, le doute, la curiosité et le regret. Regretter une réponse et donc inhiber au coup d'après pour ne pas refaire la même réponse. Eh bien ça, ce sont des émotions intellectuelles, intellectives, qui sont tout à fait connectées. Les émotions sont dans le système limbique, au centre du cerveau, qui lui-même passe par une région paralimbique qu'on appelle le cortex ventromédian et qui lui-même rejoint dans le cortex préfrontal la zone inhibitrice dont je parlais tout à l'heure. Donc les émotions et l'intelligence, même la plus pure au sens de inhiber ses automatismes pour trouver une solution logique et créative, exige ce doute, ce regret et sa curiosité qui, eux ou elles, sont des régions émotionnelles. Alors, les autres types d'intelligence, qui sont les intelligences artificielles, qui ont vocation à prendre de plus en plus de place dans notre monde, on ne va pas avoir le temps d'en parler beaucoup, mais peut-être simplement un mot pour poser la question. Ces intelligences artificielles, précisément, elles n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Est-ce que ça n'est pas un déséquilibre à un moment donné? Est-ce que ça ne peut pas créer un déséquilibre dans le monde, la multiplication d'intelligences qui n'ont rien d'émotionnel? Comme vous le dites, elles n'ont rien d'émotionnel pour une raison très simple, c'est qu'elles n'ont pas de corps. J'ai décrit au début de notre entretien l'intelligence comme une adaptation, une forme d'adaptation du cerveau à son environnement. Cette adaptation se fait pour nous en relation permanente avec notre corps et les sensations, les émotions qui font qu'on se régule tel qu'on l'a décrit par l'inhibition et l'activation. Donc un ordinateur n'a pas de corps, n'a donc pas d'émotion et n'a pas d'instinct de survie. Et donc il n'y a aucun sens pour un ordinateur d'inhiber une stratégie inadéquate parce que il n'a pas peur de l'échec. Mais en même temps, il n'a pas besoin de ressentir une satisfaction non plus, donc médiater un petit peu davantage sa réponse. Mais les codeurs des ordinateurs ont grandement besoin de satisfaction. Il faut que les algorithmes marchent pour la vie quotidienne, pour les applications, pour l'économie. Et ce que j'écris dans mon livre, c'est que les codeurs ne parviennent pas à simuler sur les ordinateurs le cortex préfrontal humain qui lui-même ressent des émotions pour sélectionner au bon moment la bonne stratégie. Et on sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle a une très bonne mémoire, en revanche, par rapport à l'homme, mais la mémoire n'est pas de l'intelligence, une très bonne mémoire, et que cette mémoire fondée sur des statistiques peut conduire à des biais cognitifs qui, eux, sont les bugs, les erreurs. Et c'est ça le vrai défi actuel pour l'intelligence artificielle, c'est d'être plus robuste. Et être robuste, c'est utiliser un mécanisme inhibiteur qui bloque ses propres algorithmes lorsqu'ils deviennent fous ou erronés. Et au fond, ce serait presque le sujet d'une autre émission. Merci beaucoup, Olivier Houdet, pour cet épisode. J'espère qu'il y en aura un autre qui a contribué, je l'espère, à améliorer nos connexions neuronales. On poursuit dans cette voie avec vous, Romain de Becdelièvre. Bonjour. Bonjour Mathieu et bonjour à tous. C'est le moment de cliquer sur votre pièce jointe. En 1935, l'écrivain et poète Paul Valéry prononce une conférence qu'il intitule « Le bilan de l'intelligence », soit un programme ambitieux. Dans ce texte, l'auteur des Charmes constate qu'on ne sait plus, je cite, « féconder l'ennui » et que tout a changé de face. Il s'inquiète des modifications profondes qu'apportent le progrès technique et l'accélération de toute chose sur l'intellect humain. Le texte de cette conférence fait suite à deux autres réflexions de Valéry, la crise de l'esprit en 1919 et la politique de l'esprit en 1932. Une enquête obsédante agite le poète sur le devenir de l'intelligence humaine en cette période de boom industriel du début du XXe siècle. Quand Valéry parle d'intelligence, il faut s'entendre, il parle d'un phénomène collectif, des esprits humains réunis, capables de créer de grandes choses, comme l'électricité ou le capitalisme industriel. Il parle donc de politique. Dans le bilan de l'intelligence, Valéry se garde, contrairement à ce que pourrait sous-entendre son titre, de conclure. Il se demande si, je cite, « l'esprit humain pourra surmonter ce que l'esprit humain a fait », si l'intellect humain peut sauver d'abord le monde et ensuite soi-même. En d'autres termes, les créations de l'intelligence humaine sont en train de dépasser l'intelligence elle-même. Notre monde moderne est tout occupé de l'exploitation toujours plus efficace, plus approfondie, des énergies naturelles. Non seulement il les recherche et les dépense pour satisfaire aux nécessités éternelles de la vie, mais il les prodigue. Et il s'excite à les prodiguer au point de créer de toutes pièces des besoins inédits, et même que l'on n'eût jamais imaginé, à partir des moyens de contenter ces besoins qui n'existaient pas. Tout se passe dans notre état de civilisation industrielle, comme si, ayant inventé quelques substances, on inventait d'après ses propriétés une maladie qu'elle guérisse, une soif qu'elle puisse apaiser, une douleur qu'elle abolisse. On nous inocule donc, pour des fins d'enrichissement, des goûts et des désirs qui n'ont pas de racines dans notre vie physiologique profonde, mais qui résultent d'excitations psychiques ou sensorielles délibérément infligées. L'homme moderne s'enivre de dissipation. Abus de vitesse, abus de lumière, abus de tonique, de stupéfiant, d'excitant. Abus de fréquence dans les impressions, abus de diversité, abus de résonance, abus de facilité, abus de merveille, abus de ces prodigieux moyens de déclenchement par l'artifice desquels d'immenses effets sont mis sous les doigts d'un enfant. L'esprit humain est donc capable de créer ses propres chimères, des nouveaux désirs et les moyens de les satisfaire. Valéry perçoit la splendeur et la misère de l'intellect humain, chose à la fois sublime et monstrueuse. D'habitude, après la lecture d'un tel passage, il serait d'usage de s'extasier sur le caractère actuel et ou visionnaire de la pensée de Valéry. C'est plutôt un autre sentiment qui nous viendra en tête. Que penserait Valéry de notre monde actuel? C'est très exactement la question que Valéry se pose lui-même à l'égard des penseurs qui l'ont précédé. Car, pour expliciter la profondeur des changements qui se sont opérés dans la civilisation, Valéry imagine des petits récits où des figures du passé viennent visiter le monde moderne. Il se demande ainsi ce que comprendraient Napoléon ou Descartes de notre époque, comment faudrait-il la leur montrer ou la leur expliquer. On a d'ailleurs très envie de jouer aujourd'hui à ce jeu que comprendrait Paul Valéry dans un call center délocalisé au Maghreb ou dans le terminal d'un aéroport international. Comment le lui expliquerait-on? Ça, on ne sait pas. Merci beaucoup Romain de Bec de Lièvre. C'était Sans oser le demander aujourd'hui sur le thème de l'intelligence, qui est aussi le titre du Que sais-je que vous publiez, Olivier Houdet, aux presses universitaires de France, après y avoir édité La psychologie de l'enfant, le raisonnement et les 100 mots de la psychologie. Cette émission est évidemment à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. N'hésitez pas à remonter dans les archives de nos podcasts depuis le début de la saison. Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche par mots-clés pour trouver des sujets qui vous intéressent, et ce, directement sur l'application.